to bolonge afifi yo bonane we amuna wo embae we afifi yo bombane ne usalango ya wae nana masenga wa sese to bunya to bolonge e banyamu na mama na ibe ni lamba nyolo jene wa bute otomte na nyamu ya mene Isabe, la masa son de Monica mon amor. Bere, moto, cese. Tu dois dégager. C'est ça. Dégager. Bah. Dégager. Quoi? Est-ce que tu